La démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de l'État. La phrase est signée Charles Pasqua, et justement, dans le dossier que M. X ouvre aujourd'hui, il va beaucoup être question de Charles Pasqua, alors qu'il était ministre de l'Intérieur du premier gouvernement de cohabitation dirigé par Jacques Chirac. André Messilly était un avocat français d'origine algérienne. En 1987, il a été assassiné sur le sol français et le tueur, rapidement identifié par la police, a été expulsé en urgence absolue vers Alger. Exactement, comme si Paris ne voulait pas s'impliquer dans une affaire algérienne, ou plutôt, exactement comme si la France ne voulait pas contrarier l'Algérie, avec laquelle elle entretient des rapports aussi houleux que passionnels. Pendant plus de 20 ans, et malgré les efforts incessants de la veuve de Messilly, le dossier de ce crime d'État, car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'a guère progressé. La justice ne s'est pas hâtée et a même à plusieurs reprises essayé d'enterrer purement et simplement l'affaire. En octobre 1992, par exemple, la cour d'appel de Lyon juge irrecevable la plainte d'Annie Messilly au motif qu'elle ne saurait prétendre avoir personnellement souffert de préjudice. Et bien sûr, aussitôt après, le juge d'instruction prononce un non-lieu. Mais, enfin, cet été, l'affaire rebondit de façon spectaculaire. Un certain Assény est appréhendé à l'aéroport de Marseille. C'est lui, ancien officier de la sécurité militaire algérienne, qui aurait peut-être payé le tueur. Monsieur X, qui avait déjà évoqué cette affaire il y a plusieurs années, rend compte des derniers développements et rappelle les faits. ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونملو كل حكايه احكي لنا عالجنه احكي لنا عالنار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا روي كي ما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كالي شفا ولا بلاه حكي ونسينا بهاد الزمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية Un mot parlant. L'affaire Missilly a connu de multiples péripéties judiciaires grâce à l'infatigable volonté de la veuve de Maître Missilly, qui ne s'est jamais résignée. Et malgré l'inertie de la justice. De l'obstruction systématique des autorités algériennes. En 2001, se produit pourtant une avancée considérable. Hichem Aboud, un transfuge de la sécurité militaire algérienne, affirme que l'ordre de liquider Missilly a été donné au plus haut niveau de l'État. Et il livre le nom de l'homme chargé d'organiser l'assassinat. Un certain capitaine Rachid Hassani, un officier qu'il connaît parfaitement puisqu'ils sont tous deux originaires du même village. Oui, un témoignage crédible. Oui, Aboud a été chef de cabinet du patron de la redoutable sécurité militaire qui s'appelle aujourd'hui le DRS, département de la recherche et de la sécurité. Oui, donc ce type était bien informé. Et deux ans plus tard, son récit est corroboré par un autre officier de l'ASM qui lui aussi a fui son pays. Le colonel Samraoui. Ce dernier ajoute que le capitaine Mohamed Ziane Hassani a remis 800 000 francs au tueur. Attendez là, le premier transfuge là, a parlé d'un Rachid Hassani et non pas de Mohamed Ziane. Vous avez raison de soulever ce point car il fait débat aujourd'hui. N'empêche que dans les deux déclarations, le patronyme est pratiquement le même. Hassani ou Hassanian. C'est quand même pas tout à fait pareil. Et les avocats vont jouer de cette éventuelle confusion. Mais allons plus loin. Fin 2007, sur la foi de ces deux témoignages, le nouveau juge d'instruction, Baudouin Touvenot, annonce son intention de délivrer un mandat d'arrêt contre Mohamed Ziane Hassani et l'homme de main qui a perpétré l'assassinat. Un proxénète, si je me souviens bien. Oui, un nommé Amilou, qui a depuis longtemps trouvé refuge en Algérie. Mais on reparlera de lui. Assez curieusement, le procureur de la République estime que la délivrance de ces mandats d'arrêt ne s'impose pas. Ah oui. Toujours la volonté d'étouffer l'affaire ? Écoutez, je n'en sais rien, il faudra aller poser la question à ce magistrat. En tout cas, le juge d'instruction ne tient pas compte de l'avis du procureur. Et c'est ainsi qu'au beau milieu du mois d'août dernier, Mohamed Ziane Hassani, responsable du protocole de l'État algérien, est arrêté dès qu'il met le pied sur le sol français. Depuis, il a été remis en liberté, hein ? C'est exact. Mmh. Il est soumis à un contrôle judiciaire. Elle n'a pas le droit de quitter le territoire français. Mais je vous promets que nous allons revenir sur le sort de cet homme. Auparavant, remontons dans le temps et intéressons-nous d'abord à la personnalité d'Ali André Messili. À l'époque de la guerre d'Algérie, le jeune Algérien a une vingtaine d'années. Il est donc appelé à effectuer son service militaire. Dans l'armée française. Bien entendu. Il est partisan de l'indépendance. Alors, il doit choisir. Ou bien il prend le maquis ou il s'exile. C'est la deuxième solution qui est à sa faveur. Il passe en Italie et de là, il rejoint l'armée des frontières. Oui, c'est l'armée du GPRA, gouvernement provisoire algérien, regroupée en Tunisie. Et là, le jeune étudiant en droit est très vite remarqué. Il est incorporé dans un organisme qui s'intitule le ministère de l'armement et des liaisons générales et qui est en fait le service de renseignement du gouvernement provisoire algérien. Lorsque vient l'indépendance en 1962, les premières batailles pour le pouvoir déjà latentes éclatent au grand jour. Ouais, les événements assez dramatiques de l'été 62. En effet, je résume. D'un côté, il y a l'état-major général, de l'autre, il y a le bureau politique du GPRA. Et le sang va couler. La confrontation est même tellement grave que le peuple d'Alger descend dans la rue en criant « 7 ans, ça suffit ». Et Messili alors dans tout cela ? Le jeune homme ne supporte pas ces luttes fratricides et refuse d'y participer. Il ne tarde pas à déserter. Un peu plus tard, comprenant que c'est l'armée qui a en réalité pris le pouvoir... Malgré les apparences, elle n'a toujours pas quitté. C'est vrai. Donc Ali Messili rejoint Aït Ahmed qui résiste au pouvoir dans son fief kabyle. Mais en 1964, le jeune homme est arrêté. Il parvient toutefois miraculeusement à s'enfuir en France. Quelle est alors sa situation vis-à-vis de la France, justement ? Bon. Ali André Messili, né de parents naturalisés français, donc français. Chez nous, il termine ses études de droit et devient avocat. Et il rompt avec ses anciennes activités ? Si vous voulez parler du renseignement, oui. Par contre, Messili ne renonce pas à s'occuper de politique algérienne. Donc même en exil ? Vous savez, l'exil, c'est le lot de tous les opposants au régime. Et justement, il est resté très proche d'Aït Ahmed, qui a lui-même trouvé refuge en Suisse après s'être évadé. Une parenthèse avant de revenir à ses activités politiques. Messili a fondé une association qui vient en aide aux pauvres et aux démunis. Et cet homme juste ne refuse jamais de plaider pour un type en difficulté, gratuitement souvent. Mais revenons sur ses activités politiques, car j'imagine qu'elles doivent avoir un rapport avec son assassinat. Évidemment. Messili se bat pour une Algérie démocratique. Et son ambition est de parvenir à fédérer les opposants au régime de Chadi. Et en 1986... Un an avant sa mort, donc. Oui. Il réussit une sorte d'exploit. la réconciliation entre deux exilés prestigieux, Ben Bella et Haït Ahmed. C'est d'autant plus méritoire que les deux hommes se sont longtemps combattus et qu'ils ont des idées parfaitement divergentes. Oui, Haït Ahmed est un laïc. Tandis que Ben Bella est déjà tenté par l'islamisme. Mais s'il y a su convaincre les deux leaders que seule l'union de l'opposition permettra de venir à bout d'un régime antidémocratique et corrompu. Et pour sceller cette réconciliation, l'avocat prend la direction d'un journal, Libre Algérie, où pourront s'exprimer tous les opposants. Comment réagit-on à Alger, hein? On fait la grimace. Autrefois, à l'ère Boumédienne, on envoyait des tueurs pour se débarrasser des opposants isolés. Aujourd'hui, il paraît plus difficile d'éliminer tous ces gens unis. Mais c'est Messili qui cristallise la haine du régime algérien. Pourquoi? Parce que il est le vrai responsable de cette unification? Oui, incontestablement. Mais aussi parce qu'on le soupçonne d'avoir un réseau d'informateurs au sein même de la nomenclatura algérienne. Et sans déflorer la suite de mon récit, je peux vous dire que c'est là l'un des secrets de l'affaire Messi. Ouais. Bon, on va y venir. Hein. Alors, à Alger, on décide de liquider physiquement l'avocat. Ah, pas tout de suite. Hein. Pour le faire taire, les gens de la sécurité militaire algérienne utilisent d'abord la menace. Ouais, mais de quelle façon? Hein? Classique. Les coups de téléphone se multiplient à son cabinet. Le correspondant est toujours anonyme, mais le message, lui, est clair. Si Messili ne renonce pas à son activité politique, il sera abattu. Mmh. Réaction de l'avocat? André Messili n'est pas homme à céder. Pourtant, à l'évidence, ses avertissements le minent. Ainsi, dans la semaine qui a précédé sa mort, l'avocat semble déprimé. Il sent que le danger se rapproche et a même du mal à se concentrer sur son travail. Quelques jours plus tôt, en effet, sa secrétaire a découvert un message sur le répondeur du cabinet. Fin mars, ce sera fini pour toi. Donc il prend au sérieux ses menaces. Hein? Naturellement, il est bien placé pour savoir que ses adversaires sont redoutables. Prend-il des précautions Lorsqu'il se déplace dans Paris, il est vigilant. À plusieurs reprises, il a eu l'impression qu'on le filait. Et il envisage de recruter deux gardes du corps, des militants de son mouvement. L'un d'eux est un colosse, Khaled Dabal. Qui est-ce? Un militant benbelliste. L'avocat a assuré sa défense lorsqu'il a été inculpé par la justice française à cause de ses activités politiques. Et justement, Dabal va bientôt sortir de prison. Malheureusement, ce sera trop tard pour Messili. Les tueurs vont frapper avant. Le journaliste et écrivain Michel Naudy a consacré un livre très documenté à l'affaire Messili intitulé « Un crime d'État », État étant écrit avec un S et désignant bien sûr l'Algérie et la France. Naudy écrit, je le cite, « Face aux menaces qui se précisent, André Messili, qui plus que d'habitude mesure le danger, commence à prendre des précautions. Une première fois dans un restaurant de Marseille où il retrouve en mars quelques amis, il pose ouvertement le problème de sa sécurité. Les coups de téléphone anonymes se multiplient, il faut réagir. D'autant que ses fonctions politiques l'accaparent de plus en plus au détriment des affaires du cabinet. En quelques jours, deux décisions sont arrêtées. Messili va progressivement prendre de la distance avec son métier. Il contacte à cet effet l'une de ses consoeurs pour entamer un processus d'association. La deuxième décision est plus longue à mettre en place. Deux adhérents du MDA, il s'agit du mouvement de Ben Bella, vont être affectés à la protection rapprochée de l'avocat. L'ouvrage de Michel Naudy a été publié par Alma Michel. Alors, venons-en maintenant aux circonstances de l'assassinat. Le 7 avril 1987 semble un jour comme les autres pour André Messili. Le matin, en compagnie de sa femme, il accompagne ses deux jeunes enfants à l'école. Puis il se rend à son cabinet, boulevard Saint-Germain, près du carrefour de l'Odéon. Beaucoup de clients l'attendent. des sans-papiers d'abord, mais aussi des politiques, des familles de détenus en Algérie ou en Iran, par exemple. Ouais, la routine, donc. Oui, à l'heure du déjeuner, l'avocat se rend dans une brasserie voisine et en profite pour rencontrer des militants du mouvement d'Aït Ramed. L'après-midi, il plaide et regagne son cabinet. De nombreux rendez-vous l'attendent encore. Mais rien qui puisse l'inquiéter, encore plus que les menaces qu'il a déjà reçues. Si, si, dans la soirée, le téléphone sonne. C'est un nouvel appel anonyme. Inquiétant, donc. Et comment interpréter ce coup de téléphone qui risque de rendre Messi encore plus méfiant, hein? Écoutez, je ne sais pas exactement, mais on peut supposer que les tueurs étaient aux aguets et qu'ils voulaient simplement s'assurer de la présence de l'avocat à son cabinet. Mais ça n'est qu'une hypothèse, car j'ai aussi pensé à autre chose. Bah, expliquez-moi, alors. Messili pouvait avoir aussi de bons amis très bien informés qui étaient dans l'impossibilité de se découvrir, mais qui voulaient simplement l'avertir des risques imminents qui pesaient sur sa vie. Ah, il s'agirait là de ces informateurs très bien placés dans la nomenclature algérienne. C'est possible, mais je continue. Messili se dispose à rentrer chez lui dans le haut du boulevard Saint-Michel lorsqu'une visiteuse se présente. C'est une amie, une cliente, Christine. L'avocat a oublié qu'ils avaient rendez-vous. Mais il la reçoit quand même ? Tout à fait. Et après avoir bavardé quelques instants, ils vont prendre un verre dans un café du quartier. Alors quelle heure, là ? Bientôt 22 heures. Et il fait nuit depuis longtemps. Messili a prévenu son épouse qui sera en retard ? Bien évidemment. Et d'ailleurs, après ce verre, Messili décide de rentrer. Christine propose de l'accompagner jusqu'au pied de son immeuble. J'imagine qu'ils vont marcher. Oui, oui, ça représente une petite balade d'un quart d'heure, 20 minutes. Non, c'est quand même pas très prudent. Pour un homme qui se sent menacé, hein, parce qu'il fait nuit, m'avez-vous dit. C'est exact. Mais l'avocat doit penser qu'on n'osera pas l'attaquer dans un quartier aussi fréquenté. Encore que le soir, le haut du boulevard Saint-Michel, à la hauteur du Luxembourg, ne soit pas très très passant. Hein. Sans doute. Mais vous savez, quand on vit sous une menace permanente, y a des moments où on a envie de défier les événements. Mais donc de défier la mort. Peut-être. Donc, l'avocat et son ami remontent le boulevard Saint-Michel. Et ils continuent à bavarder tranquillement. Rien suspect. Jusque devant le domicile de Messili, non. Les deux amis se disent au revoir et se séparent. Christine s'apprête à traverser le boulevard pour gagner l'arrêt d'autobus. Et soudain, elle se retourne. Mais pourquoi ? Encore une fois, je n'en sais rien. Un pressentiment, peut-être. L'intuition d'une présence humaine. Ah bon ? Et que voit-elle en se retournant ? Un homme, parapluie à la main, qui s'engouffre dans la porte de l'immeuble, juste derrière l'avocat. Et que pense-t-elle à ce moment-là? Elle doit se dire que l'homme a oublié sa clé et profite du passage de Messili pour entrer dans le bâtiment. Oui, assez logique. Et donc elle ne s'inquiète pas? Pas réellement, non. Et que se passe-t-il ensuite, hein? La jeune femme reprend sa marche et presque aussitôt elle entend un bruit étrange. Quoi exactement? Mais comme un bruit de verre brisé. Bon, alors que fait-elle? Intriguée, elle fait demi-tour. Et là, elle voit l'homme au parapluie sortir calmement de l'immeuble. L'individu, sans se presser, passe devant elle, lui sourit et prend la direction de la rue Soufflot. Mais descend donc le boulevard. Oui. Mais Christine, je vous l'ai dit, est intriguée. Pourquoi cet homme est-il ressorti de l'immeuble aussitôt après y être entré? Et ce bruit de verre cassé. Ouais, donc elle essaie de comprendre. Et elle regarde à l'intérieur du hall. La porte d'entrée est en effet vitrée dans sa partie supérieure. Et c'est là qu'elle découvre un corps appuyé contre la porte de la loge de la concierge. Mais celui de Messili ? Bien sûr. L'avocat, en tombant, a brisé la fenêtre de la loge. Mais d'où le bruit ? Oui, Christine tambourine à la porte, la concierge ouvre, la jeune femme se précipite, mais elle ne peut que constater que son ami est mort, vraisemblablement tué par une arme à feu. L'autopsie le confirmera. André Messili a reçu 3 balles de 7,65 dans la tête. Le témoignage de cette Christine va donc être capital parce que l'homme au parapluie est sans nul doute l'assassin. Évidemment. Et la jeune femme sera capable de donner une description très précise de cet individu qu'elle a vu à 2 reprises. Un type d'une 30aine d'années, plutôt beau gosse, type européen, cheveux courts et châtains, mesurant à peu près 1m70. A noter que ce témoignage va être aussitôt corroboré par un autre. De qui s'agit-il, là ? C'est un chauffeur de taxi. Dans les jours qui suivent, il a lu dans le journal un article sur la mort de l'avocat et il a fait le rapport avec un client qu'il a chargé le soir de l'assassinat en bas du boulevard Saint-Michel, à peu près 1/2 heure après les faits. Et ça colle avec la description faite par Christine ? Tout à fait. Il dit même que le type qui semblait surexcité n'a pas arrêté de parler pendant tout le trajet jusqu'à la rue du Faubourg du Temple où il l'a déposé. Et de quoi parlait ce bavard ? De femmes. Et plus spécifiquement de femmes arabes, pour lesquelles l'homme semblait avoir une inclinaison certaine. Dites-moi, pas très discret le bonhomme, hein ? Et Tout ça fait un peu amateur, non ? Je suis d'accord avec vous. Et effectivement, on l'apprendra un peu plus tard, ce personnage, l'assassin donc, n'était pas un tueur expérimenté. Un mauvais garçon, certes, mais pas un exécuteur. Et la police, alors ? Que pense-t-elle ? Et comment procède-t-elle, hein ? Bah, elle cherche d'abord dans la vie professionnelle de l'avocat. Oui, ça, c'est logique. Hein. Mais la veuve et les amis politiques de Messili, eux, accusent unanimement les services algériens d'être les commanditaires de l'assassinat. Son ami, Aït Ahmed, affirme même, avec une certaine prescience, ils ont dû prendre n'importe quel mec. Comme assassin, oui. Mais sont-ils écoutés par les enquêteurs ? Pas vraiment. Car autant vous le dire tout de suite, les enquêteurs ne font pas de zèle. Mais ils ont des ordres ? Ça me paraît évident. Car ils ne sont pas naïfs et eux aussi soupçonnent les services algériens. Mais en haut lieu, on ne souhaite pas envenimer les rapports avec l'Algérie. Or, justement, ces relations, après avoir connu des hauts et des bas, sont redevenues très bonnes. Et écoutez bien, dans les heures qui ont suivi la découverte de l'assassinat de Messili, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, aurait pris son téléphone et appelé l'ambassadeur d'Algérie pour lui dire « Ne vous inquiétez pas, votre pays n'est pas concerné par l'affaire. » Alors qu'on en est tout juste aux prémices de l'enquête. Hein. Par conséquent, les policiers ne sont pas très motivés et n'ont guère envie de suivre une piste purement algérienne. Pardonnez-moi de revenir en arrière, là, mais comment expliquer là, cette embellie de nos rapports avec l'Algérie ? Bon, en dehors même des relations économiques que nous entretenons. Nos gaz. En particulier. Ouais, ouais. Mais il y a aussi le fait qu'à chaque fois que nous connaissons des difficultés au Proche-Orient, Alger est mis à contribution et prié de s'entremettre. Ouais, or, en 1987, nous avons des otages au Liban. C'est ça. Ça signifie par conséquent que nos services spéciaux se connaissent très bien et coopèrent à l'occasion. Il faut dire, et vous le savez déjà, que les Algériens ont monté un service de renseignement très efficace. L'un des tout premiers au monde. Mais un organisme qui multipliera aussi les sales couches, je pense, à sa manipulation un peu plus tard des islamistes. Vous avez raison, nous en avons souvent parlé. En tout cas, pour revenir strictement à l'affaire Messili, il y a heureusement des gens qui, dans l'ombre, veulent faire éclater la vérité et troubler ce jeu de la connivence qui existe entre Alger et Paris, d'une façon très habile. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le 15 avril 1987, une semaine après l'assassinat d'André Messili, le Canard Enchaîné écrit « À Matignon, au Quai d'Orsay et à l'intérieur, chacun tient les services secrets d'Alger pour responsables de l'exécution. Les excellentes relations actuelles entre Mitterrand et Chadli, ou entre Pasqua Pandro et leurs homologues algériens, n'empêchent pas les soupçons. Mais pas de vague. Il ne faut surtout pas contrarier Alger. Michel Naudy, déjà cité, écrit que la préfecture de police a par exemple interdit aux amis de Messili d'accompagner sa dépouille de l'Institut médico-légal jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Messili, après avoir été un avocat incommode, serait-il devenu un cadavre encombrant ? Demande Naudy. Et il poursuit. Le fait est que l'enquête n'avance pas. Un comité de défense se constitue et constate le 17 juin que rien n'est fait pour faire la lumière dans le dossier. Henri Leclerc, alors avocat de la famille Messili, estime que la police, n'ayant rien trouvé dans l'entourage ou dans les dossiers de l'avocat, est restée l'arme au pied et que le juge d'instruction, je cite, « ne dirige pas cette enquête ». Lorsque la police traîne les pieds, il faut parfois la stimuler. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, on peut lâcher un petit tuyau par-ci, par-là, enfin, histoire de la remettre dans le droit chemin. Et c'est ce qui va se passer dans l'affaire Messili ? Oui. Une première fois, un peu plus d'un mois après l'assassinat de Messili, un inspecteur de la Mondaine, comme on disait alors, recueille un tuyau providentiel. André Messili aurait été tué sur contrat par un certain Malek. Obligeamment, on fournit aux policiers le numéro de téléphone de ce type et on ajoute que cet individu, qui aurait un casier judiciaire chargé, vivrait avec une femme d'origine maghrébine. Mais quand vous dites « on », enfin l'informateur, là, de qui s'agit-il ? Un de ses indicateurs, bien sûr. Un homme qui, à l'évidence, à lui-même, était bien informé. Dans le dessein de faire parvenir ces tuyaux à votre policier de la Mondaine. Exactement. Ouais. Derrière, il y a quelqu'un quand même, un commanditaire. Sans surprise, l'indique dit que c'est un responsable des services spéciaux algériens. Avec des détails aussi précis, ça ne doit pas être trop difficile d'identifier ce Malek. Hein. Ça me paraît évident. Et l'affiche qui sort des sommiers de la préfecture de police correspond à celle d'un repris de justice nommé Malek Amelou. Ouais. Quel est son pédigré hein ? Ce Kabyle, âgé d'une trentaine d'années, a accumulé vols, escroqueries, proxénétisme, détention d'armes, et j'en passe. Sa concubine, Fatna, a eu aussi affaire à la justice. Et tous deux vivent dans le 10e arrondissement de Paris, près de la gare de l'Est. Donc pas très loin de l'endroit où le chauffeur de taxi a déposé son client bavard. Rue du Faubourg des Temples. Donc ça colle et les policiers s'y précipitent. Hein. Ils trouvent porte close. Ah, les oiseaux se sont enfuis. Et la boîte aux lettres bourrée de courriers atteste qu'ils sont partis depuis plusieurs jours. Échec donc. Provisoire. Car un deuxième tuyau parvient à la police très peu de jours après le premier. Par le même canal ? Non, un inspecteur qui, comme le premier, n'a rien à voir avec l'affaire Messili, reçoit lui aussi un tuyau. Le tuyau dont rêve tout policier, tout y est. Les noms, les lieux, le montant du contrat, c'est extraordinaire. Mais vous ne croyez pas au hasard. Bien entendu. C'est dans le milieu, contrairement à ce qu'on prétend, il n'existe aucun code de l'honneur et qu'on bavarde à tort et à travers. Mais il y a quand même des limites. Et là, elles sont franchement dépassées tant les précisions sont accablantes. Racontez alors. Une confirmation. L'assassin est bien le dénommé Amilou. Il agit de conserve avec un certain Samy. Deux hauts personnages algériens. Leurs noms et leurs fonctions sont donnés. On proposait 800 000 francs pour exécuter le contrat. Le mystérieux informateur est même capable d'indiquer dans quel restaurant la négociation a eu lieu. C'est un effet étonnant. Ce n'est pas fini. Parce qu'on n'a pas envie que les policiers s'égarent. Donc, on leur donne en prime des informations de première importance et en particulier le signalement d'Amilou. De Samy et des deux hauts responsables algériens dont l'un est un commandant de la sécurité militaire. Pour faire bonne mesure, on ajoute que Malek Amelou, qui vit avec une danseuse nue qui se produit à Pigalle, possède deux voitures, une Porsche et une BMW. Et on ajoute le numéro d'immatriculation des deux voitures et même l'adresse du garage où elles sont remisées. On peut pas être plus coopératif, n'est-ce pas ? Ouais. J'allais oublier. On dit que ce Malek Amelou est en Algérie. Mais que sa concubine, qui se trouvait avec lui, est de retour en France. Les policiers vont donc pouvoir tendre une souricière. Oui, oui, mais d'abord, ils vérifient le tuyau. Tout est exact. La ligne téléphonique de Fatna est aussitôt mise sur écoute. Et rapidement, ça donne des résultats. Quoi ? Malek appelle sa compagne depuis l'Algérie. Très mystérieusement, il lui demande de ne surtout pas fréquenter les magasins pendant la troisième semaine de juin, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Les policiers pensent immédiatement aux attentats qui ont ensanglanté Paris un an plus tôt, en 1986. À Alger, ce type a pu obtenir des informations sur la préparation de nouveaux attentats. Mm-hmm. Et il y a du vrai là-dessous, là ? C'est très possible. Les services algériens, qui avaient d'excellents rapports avec la plupart des mouvements terroristes et qui, je vous l'ai dit, servaient souvent d'intermédiaires avec les ravisseurs dans les prises d'otages, pouvaient très bien savoir quelque chose. En tout cas, ça signifiait pour les policiers français que Malek n'était pas seulement le petit truand qu'on pensait. Ouais. Et qu'apprennent-ils encore, alors, grâce à ces écoutes ? Le souteneur parle d'argent caché en Corse. Ouais. L'argent du contrat ? Certainement. Mmh. Mais surtout, ils apprennent le retour prochain de Malek Amelou à Paris. Et il l'arrête sans difficulté quand il revient chez lui. Aussitôt, une perquisition est ordonnée à son domicile. C'est bien le moins. Et ça donne quelque chose ? D'abord, les policiers se rendent compte que Malek vit sur un grand pied. Mais l'important, c'est le petit papier trouvé dans son portefeuille. Un ordre de mission de la sécurité militaire algérienne, paraphé par un certain capitaine Rachid Hassani. Et ce voyou avait gardé ce document sur lui. Une imprudence incroyable, non ? Ouais. En tout cas, le mystérieux indicateur avait donc raison sur tous les plans. Oui, cependant Amelou, placé en garde à vue, n'est guère bavard. Il raconte des bobards et nie, bien sûr, toute participation dans l'assassinat de Messili. Mmh. Est-ce qu'il est confronté là, avec les deux témoins Christine, c'est ça, oui. Mmh. Et puis le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi ? On néglige de le convoquer. Quant à Christine, il se passe quelque chose de très curieux. Lorsqu'au cours d'une séance traditionnelle de tapissage, on lui présente Malek Amelou au milieu de quatre autres hommes, elle éclate en sanglots. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Sans nul doute, elle a reconnu l'homme au parapluie, l'assassin de son ami Messili, mais elle a peur. Sans doute a-t-elle déjà été menacée. Conclusion, elle hésite et n'identifie pas Amelou comme l'homme qui est entré dans l'immeuble de l'avocat et ressorti tout de suite après. Mmh. Mais est-ce que le signalement qu'elle avait donné précédemment correspondait avec le physique de Malek ? Tout à fait. À part une moustache toute récente, mais que Christine ait ou non reconnu Malek, Amelou n'a pas beaucoup d'importance. Pourquoi ? Parce que le sort du malfrat est déjà scellé. Ah bon, c'est-à-dire ça ? Alors que Fatna, qui a été placé en garde à vue en même temps que Malek, commence à craquer, un ordre vient du ministère de l'Intérieur. L'Algérien et sa compagne sont expulsés en urgence absolue. Le soir même, ils s'envolent pour Alger. Ah ben, on ne veut pas qu'ils parlent. C'est évident. Et on ne veut surtout pas déboucher sur une mise en cause de l'Algérie. Mais le juge d'instruction, alors? Bon, c'est passé de lui demander son avis. Et l'affaire en est restée là? Sur le plan policier? Oui. Le comparse de Malek, le nommé Samy, qui s'appelait en réalité Nemnouch, était parti en Algérie depuis belle lurette. Quant aux autres hommes qui avaient plus ou moins été mêlés à l'affaire, ils n'ont jamais été réellement inquiétés. Silence, donc. Silence et falsification de la vérité, oui. J'ajoute que l'homme qui devait être le garde du corps de Messidi... Le colosse, là? Oui, Khaled Dabal. Il estimait avoir une dette vis-à-vis de l'avocat qui l'avait bien défendu lors de son procès. Et il s'est mis en tête de faire la lumière sur l'assassinat de Messidi. Mal lui en a pris. 2 ans après Messidi, il est tombé à son tour sous les balles d'un tueur. Naturellement, on a conclu qu'il s'agissait d'un banal règlement de compte entre malfrats. Ouais, un peu facile, non? Bien évidemment. Alors, venons-en au dernier développement. Dès qu'il est arrêté, Mohamed Ziane Hassani proteste de son innocence, on le confond avec quelqu'un d'autre. Ouais, le vrai Rachid Hassani, mais bon, il faut rappeler que cette arrestation a eu lieu il y a 2 mois, hein, mois d'août. Hein. Et d'ailleurs, dit-il, il n'a jamais fait de carrière militaire. Cependant, ce transfuge dont je vous ai parlé, l'ex-colonel Samraoui, affirme qu'il s'agit bien du capitaine Hassani qu'il a connu. Mais pour introduire un peu plus de confusion, l'autre transfuge, Aboud, nie que l'homme arrêté à Marseille-Marignane soit le Rachid Hassani qui a remis 800 000 francs au tueur. Ah, ça c'est grande confusion, alors que penser? Bon, je me bornerai à faire 3 observations. D'abord, la modification du patronyme et du prénom ne signifie rien. Il s'agit là d'une pratique courante des services secrets, lorsqu'il veut couvrir un agent. Par contre, si ce Hassani est réellement coupable, il aurait certainement évité de venir en France. Ouais, bah à cause du mandat d'arrêt délivré contre lui. Bien entendu. A contrario, son attitude est curieuse. Votre confrère de France Inter, Benoît Colomba, vient de le révéler. Hassani a refusé d'être soumis à des tests génétiques et graphologiques. De la même façon, il ne veut donner aucun détail sur son CV. Et s'il était innocent, il devrait satisfaire sans problème à la curiosité du juge. Bah, évidemment. Mmh. Alors, pour terminer, je vous donne quelques clés pour mieux comprendre cette affaire. À plusieurs reprises, j'ai évoqué des gens haut placés qui, à Alger, donnaient des informations à Messili et ont ensuite téléguidé l'enquête de la police française. Ces personnages ont tout fait pour que la vérité éclate. Ouais, mais ils ont échoué. Il faut malheureusement le reconnaître. Et pourtant, ils avaient transmis des renseignements explosifs à Messili. Quoi alors? Ses opposants clandestins avaient révélé à l'avocat que la propre épouse du président Chadli avait la main mise sur la négociation de quelques juteux contrats internationaux. Mais il y avait aussi autre chose, et ça jette une lumière crue sur l'affaire. Ben, je vous écoute, là. Lorsqu'il a été assassiné, Messili venait d'apprendre que des milliards d'anciens francs avaient été distribués par l'Algérie à des partis politiques français. Versement attesté par des documents émis par la pairie générale de l'ambassade d'Algérie à Paris. Voilà pourquoi l'avocat a été liquidé de toute urgence par un tueur maladroit qui a semé sur son chemin de nombreux petits cailloux blancs. Pour terminer, quelques lignes d'Aït Ahmed, le mentor politique de Messili, qui a consacré un livre à son ami. Il ne manquait plus qu'à faire en sorte, grâce à la complicité des dirigeants français, que ce meurtre n'existe pas, qu'il soit totalement rayé des mémoires et ne figure dans aucune chronologie des événements qui ont marqué notre pays. 20 ans après, ne pas oublier Ali Messili et combattre l'omerta qui, à Alger comme à Paris, s'acharne depuis lors à effacer jusqu'à son existence, c'est donc évidemment un devoir de mémoire. C'est une fidélité à un homme qui fut un ami très cher, irremplaçable, à un militant et à un cadre politique d'exception. Mais c'est aussi remonter aux origines de l'impunité dont la police politique algérienne se sent investie depuis cette année 1987 et qu'elle a interprété depuis comme il se devait, la possibilité de tout se permettre, partout et en toutes circonstances. L'affaire Messili a été rééditée en 2007 par La Découverte. A noter aussi la parution de Abdelkader, l'harmonie des contraires de Ahmed Bouyarden, et aussi de Lagdar Belaïd, mon père ce terroriste, MNA contre FLN en France, 2 ouvrages publiés au Seuil. <t'-> À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et, avec un peu de chance, la podcaster. Et merci, comme d'habitude, à Valérie, à Yestaraï, Rebecca de Nantes, Monsieur Joub. Et tout de suite, après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou.